نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيسرني أن ألتقي بإخوان من مدينة بوفيه نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل هذا المسجد والذي قد حسن الظن بي فنسأل الله أن يجزي خيرا الجميع حديثنا أيها الإخوة في هذا المساء إنما هو في أمر عظيم فرق الله عز وجل بسببه ولأجله بين العباد ولذلك خلقهم ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه وهو أعظم أمر أمر الله به العباد أعظم أمر أمر الله به عباده فإذا صلح توحيد الإنسان فإن ما دون التوحيد أمره هين لسنا نصغر من الأمر لكن إذا صح التوحيد يعني الذي هو دون التوحيد فأمره أهون ولم يميزنا الله سبحانه وتعالى عن غيرنا من الأمم إلا بهذا الأمر العظيم الذي هو توحيده جل وعلا فستكون هذه الكلمة ستتضمن هذه الكلمة أمورا ثلاثة الأول ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على عظم أمر التوحيد وأهميته وأنه الغاية في كل ما يفعله المسلم وما يدعوه أو ما يدعيه الأمر الثاني الكلام عن الشرك ومضار الشرك الأمر الثالث الكلام عن طريقة الشارع في حمايته لحماة التوحيد donc je disais après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et remercier le personnel, les gens de cette association nous avoir invités et d'avoir pensé du bien sur nous, que, inshallah ta'ala, cette muhavara, cette conférence, va donc être sur un sujet qui est très important. Et c'est la chose la plus importante qui existe pour toi. C'est le plus grand ordre, le plus grand ordre d'Allah, Jalla wa Ala, et c'est son unicité. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ Et c'est pour cela qu'Allah les a créés. Allah veut savoir si tu vas être un de ses adorateurs ou pas. Avec quoi? Avec l'ordre de l'adorer. Mais il t'a laissé le choix. Soit tu l'adores ou soit tu ne l'adores pas. Il t'a laissé le choix. وَلَكِنْ Si tu ne l'adores pas, sache qu'il t'a préparé quelque chose pour cela. Et c'est l'enfer qu'Allah nous en protège. Et si tu l'adores, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé le paradis. N'as'Allah an yaj'ala hadha al-jam' كلهم من أهل الجنة. Et donc, c'est pour cela également que je vais essayer de lier entre l'arabe et le français. Et j'ai divisé la muhadara, c'est-à-dire cette conférence, en trois points essentiels. La première des choses, ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, dans le Coran et dans la Sunna, qui prouve l'importance du tawhid. Et on va dire c'est quoi la ma'na du tawhid, le sens du tawhid. La deuxième des choses, al-kalam an-shirk, comme on a dit, hein, le kalam, c'est-à-dire les paroles sur, ou les choses, les paroles qui vont vous interdire le shirk, na'am. Les méfaits du shirk. Et le shirk, c'est le polythéisme. C'est le fait d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala, on va expliquer cela. La troisième, comment Allah a protégé son tawhid. Comment Allah a protégé son tawhid, c'est-à-dire son unicité. فأقول وبالله التوفيق. Donc je dis, et c'est d'Allah que nous recherchons aide. Allah يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد هو غاية الخلق, هو الغاية من خلق الإنسان, والغاية من خلق الإنسان. فإن الله تبارك وتعالى إنما خلق الإنسان والجن ليوحدوه. الله سبحانه وتعالى nous a créé que pour cette chose-là. Allah nous a créé que pour cette chose-là. Il nous a créé pour son tawhid, pour son unicité. Car Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. يعني ما خلقهم لغير هذا. ما خلقهم للرزق. Regardez ce qu'il dit Allah سبحانه وتعالى juste après. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله ذكر الرزق بعده صح؟ الله قال دي رزق جست أبخي ذكر الشيء الذي يشغلهم عن إيش؟ عن العبادة. إلى قال دي الأشوز كي لزوكب كي لبخوكب دكوا بسو حق كي كوا توحيده جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون ليوحدون. فالعبد لا تنفعه صلاة ولا ينفعه صيام ولا حج الذي سيذهب إلى الحج ولا حج ولا إحسان ولا بر إلا بالتوحيد. Sachez mes frères que ni une prière est utile, ni un hajj il est utile, ni un siyam il est utile que par quoi? Que par le tawhid. Si tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne lui rends pas culte sincère dans cette adoration, sache que toutes tes adorations sont vaines, elles servent à rien. فهي باطلة نسأل الله العافية. هذا هو الغرض من الخلق. Voilà le but de la création de l'insan. ما خلق الله الإنس والجن إلا لهذا الأمر الذي هو العبادة. Allah n'a créé les djinns et les êtres humains que pour l'ibada. Qu'est-ce que c'est l'ibada? العبادة العلماء عرفوها قالوا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة والباطنة. نعم. Qu'est-ce que l'ibada? Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est un nom qui englobe toutes les paroles ainsi que tous les actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et que cet acte-là ou cette parole-là soit intérieur ou extérieur. On va prendre un exemple pour voir si vous allez comprendre c'est quoi l'ibada. Exemple, as-salat. As-salat, aqwal, wa af'al. C'est des paroles et des actes. Sa'alala. Zahira ou batina. Elles sont apparentes ou elles ne sont pas apparentes? Elles sont apparentes. Quand tu dis Allahu Akbar, ça se voit. Sa'alala. Quand tu dis Sami'a Allahu liman hamida, ça se voit aussi. D'accord? C'est apparent. Tayyib. Allah amara bis salat? Allah a ordonné la salat? Wa aqimu salat. Sa'alala. Donc, l'ordre d'Allah. Puis, en plus, Allah subhanahu wa ta'ala aime la salat. Wa aqimu salat. Lidhikri, comme Allah dit dans le Coran. Et fais la prière pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. Donc, la salat uqimat lidhikr. La salat est venue pour dire. Est-ce que c'est une ibada maintenant avec ce qu'on vient de savoir comme définition de la ibada? Est-ce que c'est une ibada? Naam, c'est une ibada. Taïb, on va voir maintenant autre chose. Al-khawf. Al-khawf min Allah. C'est zahir un batin. C'est apparent ou batin? Caché. C'est caché. Taïb, c'est où que ça se trouve? Fil qalb. Taïb. Allah amara bil khawf? هات الآية وخشوني هذا خشوع ماشي خوف لكن يدخل في هذا وخافوني ها وخافوني نعم خافوني الله سبحانه وتعالى أمر بالخوف الله nous a ordonné quoi de d'avoir peur de le craindre donc ça ça prouve que c'est des adorations maintenant que vous avez compris c'est quoi al-ibada laissez-nous maintenant vous annoncer une bonne nouvelle c'est que alhamdulillah toi tu es musulman et toi tu sais pourquoi tu as été créé amma ghayruka la ya'rif autre que toi il ne le sait pas forcément alors quand il ne le sait pas quand il ne sait pas pourquoi il a été créé toi il y a un moment dans ta vie où tu t'es posé cette question là qu'est-ce que je fais moi j'ai des yeux, j'ai un nez hein, j'ai une bouche tu te regardes dans le miroir comme ça tu dis lesh ana à un moment de ta vie tu t'es posé cette question tu t'es déjà posé cette question ah, tu vois, toi tu t'es déjà posé aussi kulluna, par la grâce d'Allah si tu t'es posé cette question à un moment de ta vie toi tu as eu la réponse pourquoi parce que bahat, tu as cherché alhamdulillah Allah t'a guidé à l'islam wa ma khalaqtul jinn wa l'insi la li'abudu amma ghayruk les autres est-ce qu'ils ont trouvé ba'dhuhum parmi certains d'entre eux ils ont trouvé walakin a'radu ils ont dit non on veut pas ça d'accord et d'autres ils ont trouvé mais ils sont hésitants et d'autres ils ont trouvé et d'autres ils ont jamais trouvé ils cherchent encore hein et ça c'est l'alam baqim l'alam muslim am kafir anta muslim am kafir soit tu es musulman soit tu n'es pas et celui qui cherche wallahi des fois tellement il cherche et tellement cette question hein, le travail il va jusqu'à des fois se dire mais qu'est-ce que je fais dans le monde et puis puisque j'ai rien à faire dans ce monde et il va jusqu'à se suicider a'oudou billah comme ça se passe beaucoup à Paris hein? Des fois les gens qui se jettent en dessous d'un train ou qu'Allah nous préserve ou les gens qui se suicident pourquoi parce que ma'araf il n'a pas hein? Il ne sait pas pourquoi il a été dans ce monde là qu'Allah nous préserve de cela donc al-aqil quelqu'un qui est doué de raison il sait pourquoi il a été créé et il sait qu'il a un créateur Taïb. N'importe qui, tu lui poses la question, tu lui dis ce mur, est-ce qu'il s'est fait tout seul? Il va dire jamais de la vie. Ça? Il va dire jamais de la vie, il s'est fait tout seul. Mais quand tu lui dis que le khalq, la création d'Allah, elle est 100 000 milliards de fois plus difficile que quoi? Que ce mur, hein, et que lui, il arrive à accepter quoi? Que ce mur, il s'est pas fait tout seul, mais qu'une création qui est beaucoup plus grande, hein, elle s'est faite tout seul. Ça veut dire qu'il a un problème où? Ça veut dire qu'il a un problème où? Dans son aql. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous, alhamdulillah, 5 fois par jour, on adore Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre et qui nous a demandé de l'adorer. Hein? Et ça, c'est un honneur pour nous. Sahlala. C'est un honneur d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le tawhid. Le tawhid, huwa ifradullahi bil ibadah. Le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'adorer un Dieu unique sans rien lui associer. Tu n'as pas le droit de rajouter Muhammad avec qui? Avec Allah. Tu as le droit d'invoquer le prophète? Là. Tu as le droit d'invoquer Isa? Là. Tu as le droit d'invoquer tel ou tel ange? Là. Ou tel saint? Là. Tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, seul et unique, sans rien lui associer. D'accord? Quelqu'un qui dit Ya Jibril, hada il a fait quoi? Il a fait du shirk. Hein? Hada c'est quoi son masir? C'est quoi ça, son refuge? Un nar, qu'Allah nous en protège. Donc c'est pour ça qu'on vous dit quoi? Que ça, la chose la plus importante, c'est At-Tawhid. At-Tawhid yajma'u yani ruknayn asasiyin. Le Tawhid, il lie entre deux choses très importantes. C'est La ilaha illallah. D'accord? La ilaha, si tu dis La ilaha illallah, si tu dis juste La ilaha tout seul, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dit qu'il y a un Dieu? Non. Illallah, illallah tout seul, tu dis qu'il y a un Dieu. Est-ce que est-ce que tu lui as donné l'exclusivité dans l'adoration? Là, si tu dis qu'Allah tout seul, hein, est-ce que tu lui as donné l'exclusivité dans l'adoration? Non. Donc il faut absolument venir avec un nafy ou l'ithbat. Il faut absolument que tu viennes avec la négation et quoi? Et l'ithbat, l'affirmation. La ilaha. لا معبود بحق إلا الله. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée à part qui? À part Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن الله هو خالقك. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé, il est plus en mérite de quoi? D'être adoré que autre. Vous avez compris ça, inshallah? لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت لا إله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله. ويؤمن بالله إلا الله. Vous avez vu? فمن يكفر بالطاغوت تكفر بالطاغوت الذي عبد من دون الله. إلا الله. C'est quoi? C'est l'affirmation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك تعلم الخطا. Et de là tu connais l'erreur que beaucoup de gens y font. Tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Tu dis wallah la ilaha illallah, la khaliq illallah. هذا صحيح ام لا؟ صحيح. ليش مش صحيح؟ لا جو بيجي لا. طيب صحيح. C'est qui le créateur? C'est Allah. Mais est-ce que c'est le sens de la ilaha illallah? Non. C'est pas le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, son sens c'est quoi? C'est لا معبود بحق إلا الله. Que celui qui mérite, il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée par qui? Sauf Allah Jalla wa Ala. Donc ça c'est le haq, c'est le droit d'Allah. Toi tu as des حقوق, صح? Ta mère elle a des حقوق, ton père elle a des حقوق, tes enfants ils ont des حقوق, ils ont des droits. Lakin le droit d'Allah c'est quoi? De le adorer et sans rien lui associer. Qu'Allah nous préserve. طيب. Autre chose à savoir mes frères, في هذا, c'est que la khaliqa illallah, ce n'est pas la parole qui est voulue de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que il y a des dalils, هناك آيات من القرآن تدل على ما نقول. Allah subhanahu wa ta'ala, لما قيل لقريش, لكفار قريش, وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا إيش؟ إيش؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يستكبرون. D'abord, ils s'enorgueillaient, ils se remplissaient d'orgueil. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, est-ce qu'on va délaisser nos divinités pour un poète qui est fou? شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الخلق الذي هو عفوا الذي هو أفضل الخلق. La meilleure des créatures, il lui disait quoi? Il lui disait tu es un poète, tu es un fou. Et toi dès qu'on te dit quelque chose, peut-être que tu patientes pas. Il t'a dit une telle insulte ou telle chose, tu patientes pas. رسول صلى الله عليه وسلم. On lui jetait des pierres jusqu'à ce qu'il s'énie. Il disait اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Il disait oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas la vérité. Donc, mes frères, on voit bien ici, dans ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt les kuffars de Quraysh, se remplissaient d'orgueil et ne voulaient pas accepter le haqq, la vraie parole de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que eux, ils ont bien compris la ilaha illallah. Eux, ils savaient que la ilaha illallah, ça voulait dire quoi? Ça ne voulait pas dire « La khaliqa illallah » mais ça voulait dire « La ma'bouda bihaqqin illallah » Ils comprenaient cela. Alors ils disaient « Non, non, non, nous on ne va pas accepter cela. On ne va pas accepter cela. » Et dans un autre verset, ils disaient « Aja'ala al-alihata ilahan wahida » Regardez ce qu'ils ont dit les Quraysh. Est-ce qu'il a mis les divinités en une seule? Toutes les divinités les ont rendues uniques. Ils aimaient bien l'Ad, ils aimaient bien Uzza, ils aimaient bien ces divinités-là. Et même il jurait des fois par ces divinités-là. Il disait Wallat, Wal-Uzza. Et comme ça, il jurait. Vous avez compris ça, Inch'Allah, mes frères? Donc, ce n'est pas la vérité de dire que La ilaha illallah, c'est La khaliqa illallah. Mais la vérité, c'est de dire quoi? C'est de dire La ma'bouda bihaqqin illallah. Et lorsque tu leur posais la question, qui était le créateur de ce monde? Wala in sa'altahum. من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Lorsque tu leur posais la question, ils disaient c'est Allah qui a créé ce monde. C'est Allah qui a créé ce monde, c'est lui le créateur. Taïb, laisse du shirk. Pourquoi alors tu fais du shirk? Ah, là, c'était là qu'il bloquait. Non, parce qu'on les aime. Non, parce que c'est nos parents. Non, c'est nos parents qui les aimaient, alors nous on les aime. Et ils les suivaient comme cela, aveuglement, qu'Allah nous préserve. Et il y a une autre parole qui prouve que ces gens-là ne comprenaient pas le tawhid. C'est la parole dans sourate Yusuf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart, et certes la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah, ne croient en Allah que s'il fait du shirk. Vous avez compris ça, inshallah? Il y a des gens qui croient en Allah, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font du shirk à côté. Donc ici l'iman c'est quoi? C'est l'iman bi anna Allah al-khaliq. Ici, l'iman, le murad bil iman ici, comme il dit Ibn Abbas et d'autres savants, ils disent que ici, en vérité, cela voulait dire qu'ils croyaient que Allah était le créateur de ce monde. Fahimtum hada? Tayyib. Idan, hal hada at-tawhid nafa'ahum? Est-ce que ce tawhid leur a été utile? Il n'aura pas été utile. Donc aujourd'hui, quand on entend des gens qui disent que Allah c'est lui le khaliq, et que le fait qu'il a dit que c'était Allah le Khalq, est-ce qu'il va aller au paradis? Abadanir. Et beaucoup de musulmans ne le savent pas. Pose la question autour de toi et demande. Dis, ma ma'na la ilaha illallah? Qu'allak ya la ilaha illallah, yani la khaliq illallah. Sah? Wa hada al-mushrikoun kanu ya'rifoun. Wa ala haddi qawli, si on suit ce qu'il dit, celui qui dit la khaliq illallah, ça veut dire que tous les mushrikins, c'était des musulmans. Sah? Et c'est une erreur ça de dire ça. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, mes frères, sur le tawhid, anna at-tawhid al-ibada huwa al-ghayah min inzal al-kutub as-samawiyya. Sachez, mes frères, aussi que ce qui prouve l'importance du tawhid, c'est que c'est le but par lequel, yani c'est un des buts par lequel, yani Allah subhanahu wa ta'ala a descendu quoi? A descendu les livres. Et la preuve de cela, c'est sa parole, Jalla wa Ala. Allah dit, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illallah. Regardez, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatu, un livre dont, parmi lequel ces versets sont descendus juste, thumma fussilat, et ensuite ils ont été détaillés. Ils ont été détaillés min ladun hakim in khabir, de la part d'un hakim, c'est-à-dire d'un sage, et khabir, c'est-à-dire bien informé. Allah ta'budu illallah. N'adorez qui? N'adorez qu'Allah. Regardez, ça c'est la risala. Hadihi ya risala de l'islam. C'est ça la risala de l'islam. Une autre chose qui prouve l'importance du tawhid, c'est le fait que le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah il a envoyé les rusul. Alors d'abord on a dit quoi? La descente des livres. Ensuite quoi? Irsal al-rusul. A'touni dalil ala hada. Donnez-moi une preuve sur cela. Asrah, plus clair encore. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah. Regardez, et certes nous avons envoyé un messager à toutes les communautés. Et c'était quoi son message? Ya'budu Allah. Adorer Allah jalla wa ala. Autre chose qui nous prouve l'importance du tawhid, c'est que le tawhid c'est le haqq d'Allah. D'accord? C'est le droit d'Allah. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il était avec Mu'ad. Mu'ad sahabi, Mu'ad radiyallahu anhu. Et il lui a dit, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Connais-tu, ya Mu'ad, le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs envers lui? Est-ce que tu le connais, ya Mu'ad? Il a dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit que Allah et son prophète le savaient mieux que lui. Ensuite, il lui a dit, haqqullahi ala al-ibad Allah yushriku bihi shay'an. Que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'était de ne rien lui associer. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, et leur droit, regardez Allah, il nous a donné un droit, subhanallah. Et leur droit aux serviteurs, c'est de quoi? C'est que celui qui adore Allah sans rien lui associer, il rentrera fil le Jannah. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. كذلك التوحيد يا إخوان هو الغاية من تطهير البيت من تطهير بيت الله الحرم بيت الله العتيق. Sachez également qu'il y a une autre preuve qui prouve l'importance du tawhid. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné par le biais du tawhid de purifier al-bayt. Al-bayt c'est quoi? C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ka'ba. D'accord? Allah dit dans le Coran: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Allah nous dit dans le Coran: et nous avons révélé et ordonné à Ibrahim ainsi qu'à Ismaïl son fils de purifier quoi? Al-Bayt, purifier la maison, le ta'ifin, pour ceux qui font le tawaf, al-akifin, ceux qui font l'i'tikaf, ou al-ruk'a'i sujoud, et ceux qui s'inclinent et ceux qui prient, c'est-à-dire qui se prosternent. Jazakallahu khayran. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il a fait quand il est rentré à Mecca, et qui c'était le jour du fath, le jour où il a récupéré Mecca, sa maison bien-aimée et son pays bien-aimé qui était Mecca, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers la Mecque, ou plutôt vers la Kaaba, la maison. Il a ouvert donc la porte et tout ce qu'il y avait autour, il y avait les statues. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il les a cassées. Et il disait: Qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Et certes, la vérité est venue et le fond est caduc. Donc, regardez, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, même un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il transpirait, il n'était pas bien. Et il a demandé à un de ses compagnons, il lui a dit: Man yurihni min hadi al-ka'ba, ka'ba al-Yaman. Une ka'ba al-Yaman, c'était une maison pareille qu'ils avaient faite, et les gens, ils l'adoraient. Et elle était vers le Yémen. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'arrivait pas à dormir tranquille. N'arrivait pas à être tranquille. Regardez pourquoi? Parce qu'ils ont donné le droit d'Allah à qui? À une créature. Et ça ne laissait pas tranquille le prophète. Et il a demandé à un de ses compagnons d'y aller et de casser cette chose-là. Pour que les gens aboudent qui? Pour qu'ils aboudent Allah, Jalla wa Ala. Et d'autres qissas également comme cela. Sachez aussi que le tawhid, parmi les min fada'il le tawhid, annahu yurithu 'izzata an-nafs. ويذهب الذل عنها قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين regardez subhanallah al-azim التوحيد il apporte le tawhid ça veut dire quoi? Unicité. Il apporte quoi? Il apporte la puissance et il apporte l'honneur à quoi? À nous-mêmes, à nos âmes, à notre nefs. Et il enlève quoi? L'humiliation. Regardez quelqu'un qui adore une statue. Wallah, il est humilié. Wallah, qu'il est humilié. Aujourd'hui, il y a des temples où on adore des rats. On adore des grandes statues et il y a des rats. Et les rats, à chaque fois, ils sont comme les chats. C'est plus des rats. Ils sont bien. Pourquoi? Parce qu'on leur fait des offrandes. Et ils disent: voilà le dieu du rat. Sawrouh, hattouh, galou yallah na'boudou. Subhanallah. Y'a comme toi, t'es shérif. Toi, t'adores qui? T'adores le dieu de cet univers. Homouchi Abdou et Abdou le rat, ya khi. Un jour, il y en a un, il est parti dans un temple, c'était dans une émission. Et j'étais là, je regardais l'émission. C'était quelqu'un qui était parti à un temple, pareil, c'est en Inde, c'est le pays du shirk là-bas. Hein. Et il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il. Il rentre dans un temple, et c'était un temple où il y avait des singes. Et c'était pareil, Kanu Abdou et le Khroud. Alors, Hattrouh, je laisse, il s'est assis. Il y a un sage, il est venu à un moment, et pendant la caméra, il a mis une gifle. Pourquoi? Subhanallah, regardez l'humiliation. L'humiliation jusqu'à adorer des créatures. Subhanallah. Hein? Et c'est ce que faisait également Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait eu les statues, il a cassé toutes les statues, après il l'a attaché. Il a attaché quoi? La hache dans la grande statue. Et qui, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: c'est qui a fait ça? Il a dit: c'est la plus grande qui a fait ça. Kabiru. Regardez, ils ont dit: mais non, il est inoffensif. Il a dit: ah, vous adorez quelqu'un qui est inoffensif. Hajjahum Ibrahim alayhi salatu wassalam. فانظروا والله la personne qui fait du shirk il est dhalil, il est humilié في الحق, il est humilié et il vit mal. Mais regardez Allah qu'est-ce qu'il dit dans le Coran, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, et c'est par Allah ainsi qu'à son prophète ainsi qu'aux croyants qu'appartient quoi, la dignité, ou appartient la toute puissance et l'honneur. L'autre chose qui nous prouve que يعني l'importance du tawhid, أن التوحيد هو دعوة جميع الرسل. التوحيد c'est la da'wa, hein, c'est la prêche de tous les messagers عليهم الصلاة والسلام. فكانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده ويقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Tous les prophètes ils ont fait cette prêche là, tous. Ils ont dit quoi? Ils ont appelé leur peuple, ils ont dit وَعْبُدُ اللَّهِ, adorez Allah sans rien lui associer, ou plutôt مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ, vous n'avez pas de divinité en dehors, hein, de lui. Une autre chose qui te prouve le tawhid, l'importance du tawhid, يَاخِي أَنَّ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ آيَاتٍ كَثِيرًا, hein. Sache que le tawhid c'est la première des choses par laquelle on commence une da'wah. Il y a des gens aujourd'hui, ils viennent nous voir et nous dit Yahri, mon père fait crédit avec riba et il achète des voitures volées et il trafique la drogue, ou mon frère il fait ça, il te raconte plein de choses, plein de haram. Sahih, c'est haram, d'accord. Après tu lui dis Yahri, ton père ou ton frère ou celui de ta famille, il fait salat? Il te dit non. Yahri, commence par la salat. Pourquoi tu vas commencer par des choses, hein? Le fait de délaisser la salat, c'est quand même quelque chose qui est plus grave que tout ça. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est mieux de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les bêtises que tu veux, sauf le shirk, avec toutes les bêtises que tu veux, mais avec salat, hein? Pas comme ils disent les jeunes, non, moi je vais attendre que je m'arrange, je fais la prière, c'est pas comme ça, hein? Allah a dit inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah il a dit que c'est justement la prière qu'elle est arrangée. Et plus tu vas être assidu à ta prière, plus tu vas adorer Allah bien comme il faut. Et tu vas lui donner, yani, haqq al-tawhid. Yani, tu vas, abud Allah azza wa jal, haqq al-tawhid. Hein? Et donc, la première chose par laquelle tu dois commencer, ya akhi al-karim, dans ta famille ou dans tes proches, c'est par quoi? C'est par le tawhid. C'est par le tawhid. Tu dois lui expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un haqq. Et son haqq, c'est quoi? C'est de le adorer sans rien lui associer. Ne commence pas par autre chose. Ne commence pas par lui dire riba c'est haram. Ne commence pas par lui dire sariq c'est haram. Là, parle-lui d'abord de quoi? De tawhid Allah Azza wa Jal. Une fois qu'il va aimer Allah, une fois qu'il va savoir pourquoi il a été créé, khalas. C'est yamshi wahda. Il va marcher tout seul. Bi'idnillahi ta'ala. Nasallallah lana wa lahum l'hidayah. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد. Il a commencé par le tawhid. Il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم الصلاة etc. D'abord il a commencé par quoi le prophète عليه الصلاة والسلام? Par le tawhid. Par le tawhid, il a dit quoi à Mu'ad quand il l'a envoyé au Yémen? Il lui a dit d'abord appelle-les à l'unicité, à la shahada. Et la shahada, on a dit qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Et on a dit que c'était le tawhid. Et ensuite, s'ils t'obéissent, après, parle-leur de la salat. Ah, c'est quoi alors le premier rukn, hein? Le muftah, c'est quoi? Le muftah, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasul. Alhamdulillah ala l'islam. Nahmadullah azza wa jal ala hadha din. Nahmadullah azza wa jal. Hein? Naam. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala que vous êtes des musulmans, mes frères. Wallah, il y a des gens, mes sakin, ils croient que c'est le Big Bang qui a créé ce monde. Taï barwah. Goulez, j'ai le Big Bang. Goulez, le Big Bang, c'est une explosion. Marra, moi j'ai parlé comme ça avec quelqu'un qui est en faculté de médecine. Des rouhou qafes, comme il dit chez nous. Hein? Et c'est quelqu'un zahmad intelligent. Je dis, on va voir, c'est quoi son intelligence là. Et il parlait de chromosomes, de machins, de trucs et tout. On a marre là, chromosomes là. Je lui dis, yani bifitra, bidin fitra de l'islam. Je lui dis, toi tu crois en Dieu? Il me dit, non, moi je crois pas en Dieu. Je dis, comment tu crois pas en Dieu? Je dis, c'est qui t'a créé là? Il me dit, non, nous on croit en autre chose. Je dis, qui vous? Il me dit, nous là, dans la médecine et tout, on croit en autre chose. Je dis, ah d'accord, dans la médecine. Je dis, qu'est-ce qu'ils disent dans la médecine? Il dit, en fait, il y a une explosion il y a je ne sais pas combien de milliards d'années et tout. Je dis, tu l'as vu ou là? Après, il dit, bah non, je ne l'ai pas vu. Ah, ça y est, vous, parce que vous, vous dites que vous croyez que ce que vous voyez. Ça y est, ça aussi, tu peux le narcade avec ça. Après, il dit, je lui dis, d'accord. Je lui dis, il y a l'explosion, il dit, je connais l'idée là. C'est qui l'a fait, là, cette explosion? Parce que ce que je connais, un enfant, tu lui mets une claque, il sait qu'il y a quelqu'un qui lui met une claque. Sahalala, comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il donne cet exemple-là. Un enfant, tu viens, tu lui mets une claque, même par derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner, il va savoir qu'on lui a mis un coup. Sah. Et bien là, ce monde-là, tu es en train de me raconter qui c'est quoi? Qui s'est créé avec une explosion. Dis-moi, c'est qui? En plus, à la fin, ça doit avoir un beau ciel, avec des horaires de coucher de soleil, avec un soleil qui passe, avec un froid, avec une chaleur, avec tout ce truc-là. Taïb, il m'a regardé comme ça, il me dit. Je dis, c'est qui a fait l'explosion? D'accord, vas-y, je te suis. Roh, anamchit, ma'ak, le big bang. Shkoun, c'est qui a fait l'explosion? Un pétard, il faut que tu l'allumes, il faut qu'il explose. Ashkali. Regardez, quand je vous dis que le shirk, hein, ça rend, ça humilie la personne. Il me dit quoi? Il me dit, bon, en fait, on est encore en train de chercher. Ah, je veux encore, cherche encore. Cherche, wallah, et cherche, cherche toute ta vie. Ah, la kibr, ça c'est le kibr. In fi sudurihim illa kibr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Il dit, et dans leur nafs, dans leur sudur, c'est-à-dire dans leur poitrine, il n'y a que le kibr. Il n'y a que le kibr. Wa illa, ils ont questionné un bédouin et lui ont dit, comment tu crois en Allah? Le bédouin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Il a dit, la crotte, c'est un dalil qu'il y avait quelqu'un qui est passé par là. D'accord, regardez la logique. Pourquoi? Parce qu'il est à la fitra. Il est à la fitra. Il a dit, la crotte, c'est un délire que quoi? Qu'il y a une bête par là. Et ces cieux, et cette terre, et cet univers, c'est obligé qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Tu comprends? Pourquoi? Parce que Qalbo, on ne lui a pas mis des choses bizarres. Adol et Rouhou, qu'ils étudient des voies, des choses, ils leur mettent des choses. Attention, ils leur mettent des fikr. Pour que quoi? Afin de les détourner de des bonnes croyances. Mafoum? Asallah, thabat. Taïm. Sachez aussi une autre chose, mes frères, c'est que on a dit que c'était le premier ordre, le tawhid, mais aussi c'est le dernier. C'est le dernier, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yahki lana ma wassa biha ou al-wasiyya, wasiyata Ya'qub alayhi salam, bani, faqala subhanahu, am kuntum shuhada. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Regardez يعقوب عليه السلام juste avant de mourir. On a dit que tout à l'heure que le premier ordre c'était quoi? C'était le tawhid. Mais c'est aussi le dernier ordre. La preuve, c'est que Yaqub, au moment où il meurt, Allah nous dit, Am kuntum shuhada, est-ce que vous étiez témoin? Lorsque Yaqub, lorsque la mort est arrivée à Yaqub, alayhi salatu wassalam, il qala li bani, lorsqu'il a dit à ses enfants, Ma ta'abuduna min ba'di. Regardez ce qu'il leur a posé comme question. Qu'est-ce que tu vas adorer après moi? Pourquoi Allah il nous raconte ça? Parce qu'il y a des gens, msakin, au moment où il meurt, qu'est-ce qu'il dit? Un chauffe, avec l'argent, tu le donnes à un tel. Avec tu le donnes à un tel, il pense encore, il pense pas à quoi, il pense encore à la dunya. Toi, tu dois penser à quoi? Tu dois penser à l'éducation de tes enfants. Qu'est-ce que tu vas adorer après moi? Je vais mourir maintenant. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Na'budu ilahaka. On va adorer ton Seigneur, ton Dieu, ainsi que le Dieu de qui? De tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Ilahun wahid. Ilahun wahid. Subhanallah alim. Un seul Dieu. Unique, sans rien lui associer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez qu'au moment de mourir, alayhi salatu wassalam, Aïcha, elle venait lui mettre de l'eau, et il était en état de fièvre, alayhi salatu wassalam. Et il prenait une étoffe, et après, il regardait Aïcha, radiallahu anha, ainsi que son frère, qui lui donnait à la fin le siwak, et ensuite il remettait le drap sur lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, tellement il souffrait, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il a dit, il a maudit les gens qui étaient avant eux, les communautés qui étaient avant nous. Et il a dit, la raison pour laquelle ils ont été maudits, il a dit ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ils ont pris, regardez, et ils ont pris comme de leur tombe, yani de leur tombe, hein, ils en ont construit des mosquées. Ils ont construit des mosquées sur leur tombe. Et construire une mosquée sur une tombe, c'est une wasila, c'est un moyen vers quoi? Vers l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça te prouve que le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait da'wa et la tawhid du début jusqu'à la fin. Il était fait asseoir à Mecca, il disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Et à la fin de sa, hein, de sa vie, alayhi salatu wa salam, il fait cette wasiya qu'on vient de citer. Sachez également que c'est le premier et c'est le dernier des wajib, hein, le fait de shahada bit tawhid. On a dit que c'était le premier, pourquoi? Parce qu'il y avait le hadith de Mu'ad. Et on a dit c'est le dernier, pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam il dit man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Subhanallah. Après on nous dit le tawhid c'est pas, hein, le tawhid tu l'apprends en 5 minutes, ou là le tawhid c'est quelque chose que, hein, c'est bon, tout le monde le comprend. La ya akhi. Là, je vais vous donner un exemple. Qu'un jour, il y avait un shir, qu'est-ce qu'il avait fait avec ses élèves? Ses élèves, ils lui ont dit khalas, tu nous as bien montré c'était quoi le tawhid. D'accord? Tu nous as dit c'était quoi le tawhid, tawhid, tawhid, khalas, famna. Qu'est-ce qu'il a fait, hada, avec le shir? Il a dit d'accord. Il a voulu les tester. Et il a dit voilà, il y a. Il a dit voilà, on va faire des autres cours maintenant. Mais juste avant ça, il les a testés. Alors, il vient Shir, il leur raconte une histoire. Il leur dit hier, il y a quelqu'un, il est venu avec l'étalisman, d'accord? Et il était attaché, et dedans, on a trouvé que c'était quoi? On a trouvé que c'était du sihr. Eux, ils ont fait oh. On a fait juste, yani, ils étaient étonnés. Yani, l'étalisman, il y avait du shirk dedans. Yani, des incantations, etc. Des choses que, ben, nous, hein, chez nous, ça existe, hein, Ktabat et tout ça, là, ce qu'ils nous ont raconté, quoi, quand on était petit. Comme s'ils pouvaient se sauver comme si on pouvait sauver notre peau avec des petites écritures. Hein, Inch'Allah. Tayyib, c'est khair. Et donc, ils racontent ça, le shir. Et alors, ils le regardent comme ça, ils disent, ouais, c'est grave, mais sans trop réagir. Et ensuite, il leur raconte une autre histoire le lendemain. Il leur dit quoi? Il leur dit, il y en a un, il est rentré chez une telle. Et il l'a violé, il a fait zina. Il raconte l'histoire comme ça. Ils disent, yo, il a fait zina. Ils se sont levés comme ça. Et c'est qui? On va aller le voir. Et ça. Ah, le barak, boulkoum, shirk. Hier, je vous dis, le shirk, vous ne réagissez pas. Et vous nous dites, on a compris le tawhid. Hein? Et aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de zina, quelque chose qui est d'où notre tawhid, quelque chose qui est en dessous du, hein, de tawhid, qui est juste une ma'asiya, qui est juste une désobéissance aujourd'hui trop moque. Non. Normalement, tu dois avoir de la haine, na'am, tu dois avoir de la haine. Quand tu vois quelqu'un, ce qui est un talisman comme ça, tu dois, nasah billati hi ahsan, bien sûr, tu dois le faire nasiha avec douceur. Mais tu dois tout faire pour lui enlever. Les mains de Fatma, les trucs. Vous savez, c'est quoi la main de Fatma? D'abord, ça vient pas de chez nous, ça. Fatma, à la base, ça vient pas de chez nous. Mais bon, on va pas dire d'où ça vient. Hein? Les mains de Fatma, c'est quoi? C'est 5 versets. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. Il y a un shaytan, je sais pas d'où il a ramené ça. Il a dit je vais faire une main et je vais dire c'est les 5 protectrices. Hein, c'est les 5 ayat. طيب, depuis quand une main, billah alaykoum, une main elle nous fait du bien ou elle nous fait du mal? Depuis quand? Depuis quand? Ou un œil dessus, zama va te protéger de l'œil. Depuis quand? L'œil. العين, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire contre l'œil. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith sahih, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que quoi? Que l'ayn, c'est une vérité. Et pour te protéger du ayn, qu'est-ce que tu dis? Tu fais, qu'ul a'udhu bi rabbil falaq. D'abord, qu'ul wallahu. Après, qu'ul a'udhu bi rabbil falaq. Qu'ul a'udhu bi rabbil nas. Trois fois le matin, et quand? Et trois fois le soir. Sur tes mains, et tes yeux. Hala makan. Il n'y a que ça à faire. Alhamdulillah, t'es protégé du ayn. Hein? Amma ta'a, tu te qu'ulli, ha, ce truc-là, il va bien faire. Hada rubbama l'ayn yag'aru. Hada l'ayn. Il garde hatta le hadith. Sache une chose, c'est que le ayn il trouve même le fer, ya akhi. Même le fer, même la petite main en or, là, il peut te la trouver. Ah, elle est belle, le truc, bouf, il se aouj. Il se trouve. Naam, le ayn, il fait ton, le ayn, le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit sur l'ayn? Il dit law kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqatu al-ayn. Il dit s'il y avait une chose qui aurait devancé la prédestination, hein, le décret d'Allah, ça aurait été l'ayn, tellement c'est puissant. Il y a des gens, ils faisaient des concours de ayn, moi, là où j'étais. Allah musta'an. Il y avait des gens dans la péninsule arabique, je disais l'arabie, et ils disaient chouf chouf chouf, boum, le truc il tombe. A'oudhou billah. A t'qul li ya. Ah, subhanallah. Siyara, Siyara, il sort, il vient juste de sortir du garage, le Siyara, il a démarré, elle démarre plus. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ils ont regardé, ils l'ont démonté, nasloha, en ba'd rakbouha, ils sont, ils l'ont remonté, rien du tout, rien à faire. Et ils sont venus, hada, juste il l'a vu, sabba alayha, l'ma marqué, il a mis de l'eau, hein, sur cette voiture qui, donc, il n'arrivait plus à démarrer, boum, elle redémarre. Subhanallah. Sachez que le ayn, yahouan, ayn haq, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma mère, une fois, elle me raconte, elle me dit, une fois, il y a un enfant, miskin, il était blanc comme ça de peau. Et chez nous, les blancs, mashallah, on est un peu mat, on est un peu mat, enfin, dans le sud. Hein. Et les enfants blancs, c'est quelque chose de bien, hein, alhamdulillah. Et elle a vu, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, chouf, avec taraf jbun. Regarde ce morceau de fromage, elle a. Ah, elle a dit ça à la femme. Ma mère m'a dit que Allah, l'enfant, il a une fièvre. Le lendemain, il est mort. Juste, elle n'a pas dit Allahumma barik. Juste, elle n'a pas dit Allahumma barik avec le wad. Masha'Allah, Allahumma barik. C'est important. Quand tu vois quelque chose qui est beau, tu dis ça. Hein? Ah, il faut se protéger, mes frères. Il faut se protéger avec qui? Avec Allah. Pas avec les talismans. Pas avec les uqoud et hadouk. Hadouk, rubama, kima, kultu lakum, l'in, c'est lui qui fait le travail sur hadouk. Hein? Allah musta'an. Donc, et tout ça c'est en rapport avec le tawhid, bihamdillah. Tout ça c'est en rapport avec le tawhid. At-tawhid yunajjika fi dunya qabla al-akhirah. Wa dalilu dhalik, hein, ma hasala li nabiyillahi Yunus alayhi salatu wassalam. Yunus, vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a donc, il n'est pas parti faire la da'wa à son peuple et il est parti radban, yani avec colère. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé avec quoi? L'a éprouvé par le fait qu'il s'est fait avaler par un poisson. Hada al-hout, il a avalé Yunus alayhi salatu wassalam. Il était fi dhulumat al-bahr, fi dhulumat al-batn, batn al-hout, ou fi dhulumat al-lay. Thalatha dhulumat. La première, c'était la nuit. Et Allah, va nager toi la nuit. Hein, comment que c'est, yani, c'est muslim, comment que c'est, hein, obscur. La deuxième chose, il était fi al-bahr. Et la troisième chose, il était dans le ventre du hout. Wa nada fi dhulumat. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa c'est quoi? At-tawhid. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que celui qui dit ça, yunajjih min kulli karb. Allah yunajjih min kulli karb. Un jour, si t'arrive quelque chose, dis cette parole. Reviens pas à un talisman, reviens pas à autre chose, reviens à Allah. Dis la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Hadhihi al-musiba atat min kasbi. Cette musiba elle est venue de quoi? De moi-même. Hein? وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qui nous arrive comme épreuve, c'est parce que on a acquis nos propres mains. Hein? ويعفو عن كثير. Et Allah nous pardonne beaucoup. Subhanallah العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة نجت يونس عليه الصلاة والسلام في الدنيا. وكذلك في الآخرة لا إله إلا الله تنجيك. La ilaha illallah, hadhihi al-kalima, si tu l'as dit avec ikhlas, tu ne dis qu'elle va te sauver. Vous connaissez l'histoire de al-bitaqa, le registre où il y a écrit quoi? La ilaha illallah. Il aura des feuillets remplis de fautes, remplis de péchés. Et il ne nous restait qu'une, il y avait écrit quoi? La ilaha illallah. Et ensuite, il dit quoi? Hadha ar-rajul, il dit, Ya Allah, il ne me reste que ça. Il dit, hadhihi. Taj'alha fi sijilla, tu la mets dans un plateau et toutes les fautes que tu peux mettre dans un autre, hadhihi, elle va faire basculer la balance de l'autre côté. La ilaha illallah subhanallah al-azim. Donc la ilaha illallah tnajjik fi dunya wa tnajjik fi al-akhirah, nasallah an yaj'alana minhum. طيب, sachez aussi une autre chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que sache qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Donc, ilm al-tawhid, sache, il y a un ilm dans le tawhid, il faut l'apprendre. Et celui qui ne l'apprend pas, c'est grave. Celui qui ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est lui qui mérite d'être adoré, ça c'est grave. Au minimum, tu sais ça. Au minimum, tu n'adores pas autre qu'Allah Jalla wa Ala. Et maintenant, Inch'Allah, on va passer dans la deuxième partie de la muhadara, c'est le shirk. Ma huwa shirk ala. D'accord ? Premièrement, le shirk, qu'est-ce que c'est ? Le shirk, les ulama, ils ont dit, huwa taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasaisillah. C'est le fait de rendre égal autre qu'Allah, taswiyatu ghayrillahi billah, à Allah, hein, dans ce qui lui est propre. Fima huwa min khasaisillah. Vous avez compris ? Rendre autre qu'Allah, une créature, hein, tu le rends égal à Allah dans ce qui lui est propre. Allah, par exemple, c'est lui le créateur. Toi, tu viens, tu dis non, il y a un autre créateur qu'Allah. Là, tu as rendu égal à Allah. Sa'ala, là, khalas. Ashrakt, na'oudou billah. Vous avez compris ? Tayyib. Hada huwa shirk wa hafadhu. Et connais-le, ce ta'rif-là. Connais-le et apprends-le. Le shirk, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran. Il nous dit qu'il y a certains mushrikines, certains associateurs, qui diront, quand ils seront dans l'enfer, ils diront Tallahi in kunna lafi dalalin mubin. Il nous sauvait de Rabbil Alamin. Tallah, ça veut dire quoi? Non, il jure par Allah. Tallah, c'est par Allah. Hein, regardez, là, ils seront en enfer et là, ils jureront par Allah. Là, ils vont faire le tawhid. Là, ils vont faire le tawhid, ils jureront par Allah. Tallah, in kunna lafi dalalin mubin. Et certes, nous étions vraiment dans un égarement évident. Hein? Id nous sauvait de Rabbil Alamin. Par le fait que quoi? Qu'on vous a mis égal à autre que, yani à Allah, le Seigneur des mondes, subhanallah adim. Donc ils seront, et le fait de rendre égal à Allah subhanahu wa ta'ala, de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est ça le shirk. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا مَا هُوَ النِّبْتِ المثل, le semblable, d'accord. Et ça c'est ça le shirk, c'est ça le shirk. كَيْفَ تَعْرِفَ الشِّرْكِ. Et là quand on parle du shirk, on parle du shirk, vous savez qu'il se divise le shirk, akbar ou asghar. Là on va parler que du akbar. D'accord. الشرك متى تعرف أن هذا شيء شرك أكبر. Quand est-ce que tu peux savoir que cette chose-là c'est un shirk akbar, c'est-à-dire c'est une grande, hein, une grande forme de shirk, hein, avec deux choses. Bismillah. Deux choses. Vous avez vu comment on, yani, regardez, hein. Nous, on est, normalement, c'est le pire des péchés. Normalement, tu sais comment reconnaître ce péché-là. C'est pour vous dire qu'on a toujours besoin du dhikr du tawhid. A'zamu dhikr, le meilleur des rappels, c'est le dhikr du tawhid. C'est le meilleur des rappels. Et Allah, hein, avec deux choses. Toi, tu sais, toi. Si tu sais pas, alors là, on va prendre le bâton. Ça, c'est mon ami, hein, c'est pour ça que je me prévois. Hein? Ça, c'est une adoration. Ouais. Tout ce qui est adoré par Allah. Ouais, ouais, bon, vas-y, on va dire que ça marche, c'est bon. La première des choses, c'est est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, c'est une adoration. Et la deuxième des choses, est-ce qu'il la donne à autre qu'Allah ou Allah. D'accord ? Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il vient, il est en train de faire une dua, tu sais pas qu'est-ce qu'il dit, il est en train de faire une dua devant une tombe. Hein, déjà, ça c'est interdit, mais il vient, il commence à faire une dua en face d'une tombe. D'accord ? Il lève les mains, il commence à invoquer comme ça. Toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que tu peux dire qu'il fait du shirk? Non. Mais si maintenant tu l'entends dire quoi? Tu l'entends dire, yes, il dit Foulan, ou Foulan, ou toi qui est dans la tombe, hein, donne-moi ça. Est-ce que là c'est du shirk? Oui. Là c'est du shirk. Pourquoi? Premièrement, on sait que le dua c'est quoi? C'est une ibad. Et la deuxième chose, la hadith ibad sourifat liman li ghayrillah. Elle a été donnée à autre qu'Allah. Avec ces deux choses-là. D'abord, tu sais si c'est une ibad ou pas. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est de savoir si il la donne à autre qu'Allah. Une fois que tu sais que tu sais ces deux choses-là, khalas. Quelqu'un, alors on va prendre maintenant un exemple. Quelqu'un, il vient, il commence à faire tawaf autour de ça, c'est ce pilier. Qu'Allah il préserve ce pilier, allez, on va dire, dehors. Hein? Quelqu'un, il fait le tawaf autour d'une tombe, hein, ou autour d'une maison. Et comment s'il fait le tawaf et tout, et tu l'entends dire des marmonnements, et il tourne comme ça. Est-ce que tu peux dire que c'est un mouchirik? Est-ce que tu peux dire que c'est un mouchirik, toi? Oh, si t'as compris. Je sais pas. Ah, ça veut dire que je suis pas clair, alors. Hein? Quelqu'un qui tourne autour d'une tombe, aujourd'hui, là, tu sors dehors, tu vois quelqu'un en train de tourner autour d'une tombe. Est-ce que tout de suite, tu peux dire qu'il fait du shirk? C'est un acte d'adoration, tawaf ou pas? Taïe. Qu'est-ce qui te manque, là? Il te manque un détail. Aïe, voilà, l'intention. À qui il donne? S'il donne au sahib al-qabr, c'est quoi? C'est du shirk. S'il le donne à la personne qui est enterrée, oui. S'il donne cette adoration. Mais s'il la donne à Allah, non. On dira qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On dira qu'il fait une bid'a ou on dira qu'il fait du shirk asrar, parce que le shirk asrar, c'est une porte vers le plus grand. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Mm-hmm. Mm-hmm. Taïe. Idan, al-shirk, ikhwan, qui c'est qui l'ahfad le ta'rif? Taswiyatu. Ghayrillahi, billahi, fima huwa min khasaisillah. D'accord, c'est ça le ta'rif du shirk. الشرك يا إخوان هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا إذا مات عليه نسأل الله العافية. Regardez mes frères, maintenant on va parler de quoi? On va parler des méfaits du shirk. D'accord? Le premier des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui meurt à la shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais. Il le rentrera en enfer et il sera mu'adhab min laylan wa nahara. Et jamais il sortira de l'enfer. Il peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rentrera pas un mushrik dans son paradis. Qu'Allah nous préserve. C'est pour ça qu'on hadhar, c'est pour ça qu'on met en garde contre le shirk. Une fois, il y a un frère que je connais bien. Il me dit, tu sais, tout à l'heure, j'ai fait une invocation et je lui dis, ouais, mais t'as fait une invocation. Je lui dis, qu'est-ce que tu as invoqué? Il me dit, j'ai fait une longue dua. Je lui dis, d'accord, tu as invoqué qui? Il me dit, j'ai invoqué un ange. Je lui dis, pourquoi tu as invoqué un ange? Subhanallah, pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Parle pas maintenant quelqu'un qui est ignorant ou pas. D'accord? Mais sachez que, hein, regardez, man mata ala shirk, celui qui meurt hein, sur le shirk, celui-là, mes frères, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. C'est pas Bouzid qui dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Allah dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakin idha taba minhu qabla an yamut, si se repentit avant de quoi? Avant de mourir, là oui certes inshallah ta'ala, hein, Allah dit le prophète sallam dit man taba taba Allah alayh, celui qui se repentit, Allah il accepte son repentir. Walakin idha mata 'ala ash-shirk, fa huwa min ahli an-nar, nasal Allah al-'afiyah. الشيء الثاني, l'autre chose qu'il faut savoir, لأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك بعد موته. Il n'appartient pas à un musulman, hein, et que c'est interdit de demander le pardon d'Allah pour qui? Pour quelqu'un qui a fait le shirk. Quelqu'un qui est mort mushrik, tu n'as pas le droit de quoi? Tu n'as pas le droit d'invoquer Allah, le pardon d'Allah sur lui. Vous avez compris ça, inshallah? Vous avez compris? Alors, Fulan, par exemple, il adorait Bouddha, ou il adorait Fulan, ou il adorait Fulan. Il vient de mourir devant toi. Même si c'est quelqu'un proche de ta famille, ou quoi que ce soit, qu'Allah nous en préserve, hein, est-ce que tu as le droit d'invoquer Allah pour lui? Là. Le dalil, la preuve, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, yaqul alayhi salatu wassalam, ista'adhantu rabbi an azura qabra ummi, fa'adhina li, wa ista'adhantuhu an astaghfira laha, falam ya'adhin li. Allahu Akbar. Dans Sahih Muslim, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à qui? À Allah jalla wa ala. Il dit, j'ai demandé la permission à mon Seigneur de visiter ma mère, car sa mère elle était mushrika alayhi salatu wassalam, et il a demandé s'il pouvait la visiter, mais la visiter pas pour lui demander pardon, pas pour demander pardon à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait juste se souvenir de quoi? De l'akhira, comme vous savez tous. Alors, et Allah lui a permis cela, mais il lui a interdit de faire quoi? D'invoquer pour elle. Il a invité, pourquoi? Parce qu'elle était, elle était morte mushrika. Pareil pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Azar, son père, il est mort mushrik. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Ibrahim alayhi salam de faire quoi? De faire du'a pour lui. Vous avez compris, inshallah. Donc, ça te prouve la gravité. De quoi? Du shirk. Autre chose encore qui prouve la gravité, hein, c'est que le shirk, toutes tes œuvres, elles sont vaines avec le shirk. Elles n'existent pas, tes œuvres. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, si tu fais du shirk, ya Rasulullah, si tu fais du shirk, hein, sache que tes œuvres seront vaines. Toutes les œuvres que tu peux faire, si un jour tu as fait du shirk, tu vois, si tu as construit, hein, si tes œuvres ont la taille d'une montagne, elles tombent. Elles sont vaines. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Et Allah parle des Anbiya. Dans Surat Al-Anbiya, il cite tous les Anbiya. Regardez, lisez ce soir Surat Al-Anbiya. Vous verrez. Allah a parlé des Anbiya, de tous les prophètes. Et ensuite, il dit quoi? Tout à la fin, il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient fait du shirk, leurs œuvres seraient vaines. Allah, il nous parle beaucoup du shirk. Vous avez vu comment il nous parle? Il nous parle beaucoup parce que c'est le pire des péchés, mes frères. Autre chose encore, Allah, il nous donne un exemple qui fait peur. Qui fait peur et qui nous montre que le mushrik, il est dans un égarement. C'est cette parole où Allah nous dit حُنَفَاءُ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ. Alors la traduction de ce verset: soyez donc des adorateurs sincères pour Allah, ne lui donnez pas d'associés. En effet, celui qui associe à Allah est comme celui qui tombe du haut du ciel. Regardez l'exemple: comme celui qui tombe du haut du ciel, se trouvant en proie aux oiseaux carnivores. Des oiseaux qui viennent tartafou, ça veut dire qu'elles l'attrapent en plein vol. Et moi j'ai déjà vu un oiseau attrapé en plein vol un autre, je peux vous dire que c'est ajib. Hein? Je peux vous dire que c'est ajib. Se trouvant en proie, hein, aux oiseaux carnivores, ou qui est précipité par un ouragan vers un lieu perdu. Makanin sahiq ba'id. Suhqan li ashabi as-sa'ir. Suhqan, ça veut dire loin, loin. Bu'dan, yani. Vous avez compris ça, inshallah. D'accord? Alors, regardez. Hada al-miskin al-mushrik va'ir. Al-mushrik, il est perdu. Celui qui fait du shirk, il est perdu. Celui qui fait du shirk, il est embarrassé. Il est tout le temps, il vit tout le temps dans le stress. Il vit mal. Wallah, il vit mal, yakhwan. Croyez pas que le mushrik, celui qui adore autre qu'Allah, il est content. Wallah, il est azim, qui vient en enfer à l'intérieur de son cœur. C'est son cœur, t'as vu, si toi, ça ressemble à une bougie, hein, presque bien allumée, et ben sache que son cœur, lui, c'est une cave. Il est aussi sombre qu'une cave, son cœur. Qu'Allah nous en protège. Hein, Al-Mushrik, il n'a pas de repère. Al-Mushrik, un jour il adore lui, un jour il adore lui. Ya'budu hatta hawa, il adore même ses passions. Al-Mushrik. Nasallahu al-afiya. Et pourquoi, hein, il est comme cela? Pourquoi il est comme cela, Al-Mushrik? Ibn al-Qayyim, il nous dit dans un bayt. Il nous dit dans un vers de poésie. Qui nous prouve que le Mushrik, il n'a aucun repère dans cette vie-là. Il nous dit فَرُّوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ فَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ. Allah, regardez ces paroles. Il dit فَرُّوا هَرْبُوا. هذا معنى فَرُّوا معنى هرب. فَرُّوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ. Ils se sont enfuis de l'esclavage, de la servitude, hein, pour laquelle ils ont été créés. Faboulou, et ils ont été éprouvés. Biraqin nafsi, et ils ont été éprouvés par l'esclavage de quoi? Biraqin nafsi, l'esclavage de leurs propres âmes, wa shaytan, et de diable. Allah a dit Alam ma'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan. Alladhi la ya'budu Allah, ya'budu man? Ya'budu shaytan. Na'oudhu billah min shirk. Na'oudhu billah min shirk. Allah nous protège. الشرك ظلم عظيم لماذا؟ لأن لقمان عليه السلام قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله a dit que l'injustice, a parlé de l'injustice du shirk, il a dit que c'était du ظلم. Mais il a rajouté un adjectif, عظيم. C'est une grande injustice. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné quoi, le haq de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé, qui t'a tout donné. Et autre chose aussi, c'est le plus grand des crimes et le plus grand des péchés. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Bakr. où il dit alayhi salatu wassalam, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Il l'a dit trois fois alayhi salatu wassalam. Trois fois pour bien que ça rentre. Quand il répétait trois fois, c'est pas parce qu'il ne se faisait pas entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour que tu retiennes bien que c'est grave. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Et ensuite il dit, les sahaba ils ont dit, Bala ya Rasulallah, montre-nous, oui ya Rasulallah, montre-nous c'est quoi, hein, les pires des péchés. Et ensuite le prophète alayhi salatu wasalam dit, Al-ishraku billah wa uquq al-walidain. Le shirk, le fait d'associer Allah et le fait de désobéir à qui? Aux parents. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a joint les parents avec quoi? Avec le haqq d'Allah. Ah, les proches, ils ont un droit sur nous. Mais pourquoi il a joint alors? Ouais, là aussi il a joint. Mais moi je demande pourquoi. Je dis pas il a joint. J'ai pas posé la question. Hein, ici c'est joint, ça. Le droit d'Allah c'est plus important. Après. Après l'Allah c'est le droit des parents. Voilà, c'est ça. C'est l'ordre. Mais pourquoi il y a cet ordre là? Celui qui n'a pas donné le droit à ses parents, il n'a pas donné le droit à Allah. Non. Parce qu'avec il a espéré. Hein. Toutes les épreuves qu'ils ont subies, qu'ils nous ont mis au monde, etc. Lui, il connaît le mérite des parents. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas encore ça. Allah, Khammou mliah, qui va dire à Allez, réfléchis un peu. Réfléchissez un petit peu, Inch'Allah. Avec moi, bien sûr. Hein? Parce que là, c'est notre créateur et après, c'est le parent qu'ils ont mis au monde. Ah, lui, il a dit quoi? Il a dit Allah, c'est notre créateur. D'accord? C'est lui qui nous a mis au monde. Mais c'est qui nous a mis au monde juste après? C'est les parents. Non, c'est pas ça. Dites. Hein? Pour montrer l'importance. Hein? Parce qu'on désobéit aux parents, on trouve ça comme étant grave. Désobéir à Allah, c'est encore plus. C'est lui qui était le plus proche. Hein? On reste sur sa voix. Hein? Le fait d'adorer Allah, c'est le fait de le remercier. Khalas, en vérité, ils ont tous dit presque. C'est qui t'a fait plus de bien après Allah? Khalas. Allah. Hein? Wa bil walidaini ihsan. C'est qui t'a fait plus de bien après Allah? C'est tes parents, ya akhi. C'est tes parents. Est-ce que tu connais, toi, deux êtres qui t'ont fait plus de bien que ton père et ta mère? Après, ba'dhum tara yasubbu umma, ou yadhribu umma, ou yadhribu aba. Wallahi, c'est grave. Wallahi, c'est grave. Et vous regardez, quelqu'un qui est mouahad, il connaît le haqq. Celui qui connaît le haqq d'Allah, il connaît le haqq des parents. Pourquoi? Parce que celui qui connaît le haqq d'Allah, comme il a dit, il a remercié qui? Il a remercié Allah, il a remercié qui? Ceux qui l'ont mis au monde, les parents. Man alladhi ahsana ilayhi awwalan wa akhiran, man huwa Allah jalla wa ala. Thumma min al-khalq man hum al-walidan. Ma fi a'zam. Il n'y a pas meilleur que tes walid. La mère, elle a 5 enfants. Même le pire des shaytan, elle en a un, c'est un shaytan. Les autres, c'est tous des salihines, mais il y en a un, c'est un shaytan. Elle l'aime quand même. Elle lui donne une partie de son risque. Elle l'aime, tarda'u, ta'ati, tabki ali. Lama tahzan, anta tahzan ma'a. Et hiya tahzan ma'a, plutôt. Quand toi, t'es triste, elle est triste avec toi. Quand toi, t'es heureux, elle est heureux avec toi. Elle s'est privée pour toi. Ta mère, elle s'est privée pour toi. Des fois, elle n'a pas mangé quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que quoi? Que ça te fasse du mal. Subhanallah. Le walidain, il y a quoi? وَخَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah ma qal, ne fais pas de mal à tes parents. Il n'a pas dit ça, il a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ça veut dire que tu dois courir vers le bien pour eux. Tu ne dois pas juste rester inoffensif. C'est tous les jours que tu dois les appeler. Tu dois les appeler, hein, au moins, يعني, tous les jours, une fois par semaine, au moins de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils vont bien, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, hein, des meilleures créatures pour toi, hein, dans ce monde. Allah al-Musta'an, sallallahu azza wa jal, ani wa fiqana lidalik. On passe à la dernière partie de cette muhadara. Sallallahu yirhamu walidina yikhwan. Wallah, sallallahu yirhamuhum. Rahmatan wasi'a. On passe à la troisième partie de cette conférence. C'est comment Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son tawhid. Comment il a protégé son unicité. Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il a protégé at-tawhid par une chose, par un verset, en disant Ya ahl al-kitab, la taghlou fi dinikum. Ô vous, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Tu exagères dans ta religion, tu vas faire quoi? Tu vas faire du shirk. Tu vas tomber dans quoi? Tu vas tomber dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Iyyakum wal ghulu fi ad-din, fa inna al-ghulu fi ad-din ahlaka man kana qablakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je vous mets en garde contre l'exagération dans la religion. Car l'exagération dans la religion a détruit les communautés qui étaient avant. Regardez. Avant, ahna, on aime nos shuyukh. On aime nos savants. Hal yajuz an ta'buda? La yajuz. Sah? Lakin man kana qablana hal kana ya'budu mashayikha? Est-ce que ceux qui étaient avant nous, ils adoraient leurs shuyukh? Oui. Regardez, quand ils demandaient pardon, ils demandaient à qui? Ils demandaient à son shir, à son prêtre, à son moine. Il vient et dit, il se met dans une cage, il s'enferme. Allez, vas-y, je t'écoute, mon fils. Et après, il dit, j'ai fait ça, c'est bon, khalas, t'es pardonné. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Toi, c'est toi qui lui pardonne, là, c'est pas Allah. Vous avez compris? Et c'est comme ça. Ils ont fait du rouleau dans quoi? Dans le salihin. Ils ont fait du rouleau dans le salihin. Même si c'était des salihin, ils ont fait du rouleau sur eux. Vous avez compris ça, inshallah? Sur les pieux, na'am, d'entre eux. Ou alors, ceux qui ont fait quoi? Ou shaitan, lorsque le peuple de Nuh, ils adoraient qui? Wad, Wasuwa', Wayaghouth, Wanasra. D'accord? Ils adoraient ces salihin. Comment qu'ils sont venus ces salihin à être adorés? Vous connaissez l'histoire? Ibn Abbas nous la raconte, cette histoire. Il nous dit au début, quand ils sont morts, les gens les aimaient beaucoup, ces gens-là, parce que c'était des gens qui étaient pieux. Et ça, c'était des années avant que le peuple de Nuh arrive, peut-être même des siècles, avant que le peuple de Nuh arrive. Alors, pour ne pas les oublier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sawwaruhum. Ils les ont quoi? Ils les ont dessinés. Ils ont fait une image. C'est-à-dire, khlas. Ou alors, ils ont fait sculpter des statues qu'ils leur ont rendu. D'accord? Et ils les ont laissés. Des années plus tard, génération en génération, ils se disent, rajoutez-leur ça. Donnez-leur ça. Mettez quelque chose là. Mettez quelque chose là. À la fin, donnez-leur une offrande. Et à la fin, faites le soujou. Regardez, Shaitan, comment qu'il a patienté? Shaitan, il a patienté pour te rentrer en enfer, lui, sport. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a juste dit au début, dessiner. Mais des siècles plus tard, ce dessin, c'est devenu quoi? C'est devenu quelque chose qui s'adore. Masallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ça, inshallah? Donc, al-ghulou, le fait d'exagérer, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au shirk. L'autre chose, c'est justement le fait de quoi? Dessiner. Ou le fait de reproduire. D'accord? Toi, tu veux reproduire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. On parle de quoi, là, bien sûr? On parle des êtres vivants. D'accord? Tu veux les reproduire. Eh bien, sache que celui qui fait des images, il a certes, celui qui dessine les images ou sculpte les images, il a certes fait un des plus grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela très formellement, et il nous dit, le prophète alayhi sallatu wa sallam, que cette personne-là, yawm al-qiyamah, elle devra insuffler l'âme sur cette image qu'il a faite. Et qu'elle ne pourra pas en vérité. Et que rien que ça, ça suffit comme azab. Ça suffit comme châtiment. L'autre chose aussi encore, la troisième chose, c'est le tahdir, la mise en garde, de construire sur les tombes. Le fait de construire sur les tombes, mes frères, le fait de construire sur les tombes, ou le fait de construire sur les mosquées, ça amène à quoi? Ça amène au shirk. Wallahi ya ikhwan. Quand j'étais petit un jour, j'étais au bled. Et à un moment, je suis passé à côté d'un cimetière. Et je vois, il y a une tombe, elle est petite. Et je vois une autre, elle est un peu plus grande. Et je vois une autre là. Ça y est, c'est une cabane presque. D'accord ? Wallah, j'ai vu ça. Je dis, Hada, il est mieux qu'Hada ou là ? Je dis, celui-là, il est mieux que celui-là ? Il me dit, non. Non, lui, c'est lui, et lui, c'est lui. Je dis, mais pourquoi ils ont fait une grosse temple ? Ça veut dire que celui-là était quelqu'un de. Hein ? C'était comme ils disent que chez nous, c'était quelqu'un de côté. C'est quelqu'un qui avait de l'importance. Hein ? Sinon, il n'aurait pas mis une coupe comme ça ou là, un gros truc. Eh ben non, c'était juste quoi ? C'était juste l'exagération. Et c'était juste des gens comme ça qu'ils avaient, qui aimaient ces gens-là et qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et à la fin, ça finit par quoi ? Au début, ça commence par ça. Et à la fin, ça finit par quoi ? Ça finit par une cabane, par une maison. Et à la fin, dans cette cabane-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des draps. Et ils donnent, comme ça donnait des tomours. Et à la fin, ils viennent avec le bendir. Ils viennent avec quoi ? Avec le bendir, le tambour. Et ils tournent autour et disent « Foulain, donne-nous. » انزل علينا المطر etc. لا هذا جهل هذا جهل بالدين وهذا جهل بالدين صلى الله العافية والسلام الحمد لله maintenant il n'y a plus ça dans la majorité hein, des endroits en tout cas يعني, que j'ai vu il n'y a plus ça الحمد لله les gens maintenant خلاص ils connaissent que ça c'est pas bien de le faire طيب autre chose aussi qui prouve la gravité يعني, du shirk c'est l'interdiction du prophète صلى الله عليه وسلم de faire la prière vers quoi vers les tombes. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Ne faites pas la prière vers les qubours, parce que quand tu vas faire la prière vers le qabr, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va être derrière toi, elle va penser que tu es en train de adorer cette tombe. ولا تجلسوا عليها. Et le fait de ne pas s'asseoir dessus, c'est par respect pour le mort. Nous, on n'a pas dit que le fait que maintenant il faut pas faire ces choses-là, qu'on a le droit de déterrer les morts, s'asseoir ou mettre même le pied dessus. Ça c'est grave de venir et de marcher sur un tombe, ça aussi c'est grave, ça fait partie des plus grands péchés mes frères. Un jour le prophète alayhi salat wa salam, il a vu rentrer une personne dans un cimetière et il l'a vu avec quoi? Avec des sandales. Il a dit ya sahibu sabtiyatayn ikhla'huma fa innaka alayt. Il a dit et toi celui qui a le sabtiyatayn, sabta chez nous c'est une ceinture, mais là ça veut dire quoi? Celui qui a des sandales. Les sandales avec les sandales. Il lui dit, ikhla'huma, enlève-les, car tu as fait du mal. Tu as fait du mal. En marchant toi dans le cercueil avec des sandales, sache que tu fais du mal. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il rentrait dans le baqi', il a enlevé ses sandales. Juste avant de rentrer dans le baqi', hein, vous connaissez le baqi'? Le baqi', c'est le cimetière qui est en face de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait ses sandales et il marchait, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Autre chose qui nous prouve hein, l'importance et la gravité du shirk, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné les compagnons de quoi ? De casser ce qui était trop haut et de mettre à égalité les tombes. D'accord ? Toi t'es pas mieux que lui, alors donc tu laisses, même si c'est hada shirk un alim fulani. Aujourd'hui tu vas à Père Lachaise. Hein, tu sais tout de suite qui c'est le bon du mauvais, hein, entre guillemets, chez eux. Tu vois quoi? Tu vois une tombe, c'est une maison, avec ça se voit que c'est une star ou là, je sais pas c'est qui. Hein, et l'autre, mesquine, là, qui a une petite tombe, c'était quelqu'un, Allah aqab minna, il est passé par là, et khalas, ils l'ont enterré. Hein, et ben non, nous, dans l'islam, non. Même si t'es cheikh, qui tu veux, hein, et t'es un des plus grands savants, wallah, on te respecte, alhamdulillah. La Ummah, elle respecte ses savants. Walakin, est-ce qu'on va faire une tombe plus grande que l'autre, là. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou plutôt, Thumama, raconte qu'il était avec Fudala, et ils étaient fur Rome. Rome, c'est chez les Romains. Et alors, il y a eu un compagnon qui est mort, hein, radiallahu anhu, et Fudala a ordonné qu'on mette à égalité son sawwi al-qabr, yani. Tu vois, yani qu'on mette à égalité sa tombe. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها أي تسوية القبور. Il dit ensuite, il dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم nous ordonner cela, c'est-à-dire le fait de égaliser la taille des tombes. Ils ont dit que c'était à peu près un dira', un empan, à peu près ça ou un tout petit peu plus, pas plus. Et vous savez pourquoi ça? Et des gens ils disent mais pourquoi on ne l'enfarge pas plus, hein? Il y en a plein qui savent pas ça. Regardez notre dîn comment il est, wallah il est parfait notre dîn. Il n'y a pas plus parfait que ce dîn. Pourquoi? Pourquoi pas plus que... Ouais, pas plus que ça. Non, pourquoi il y a au minimum? Parce qu'on pourrait le mettre... Pour qu'il voit qu'il y a une tombe. Vous avez compris? Pourquoi que... C'est pas parce que nous on a dit Tasuyat al-Qubur qu'on va venir, qu'on va marcher aussi dessus. Là, on met une chose pour montrer que quoi? Qu'il y a une qubr, un qabr ici. Na'am. Aussi autre chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a... Une chose qui prouve la gravité du shirk, tahdhir shadid min ziyarat al-Qubur al-Salati fil masajid. Yani le fait de faire quoi? De faire une ziyara, une visite vers un cimetière, et dans ce cimetière-là, hein, faire une prière dedans. Et je me rappelle aussi, ça je l'ai vu devant moi, le vendredi, ils allaient où? Ils allaient au cimetière. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des salats. Ils faisaient des rak'at, des rak'at, des rak'at. Je comprenais pas, je disais, mais c'est bizarre ça. Je dis, moi ce que je connais, c'est qu'on prie où? On prie à la mosquée. Et je voyais devant moi, ils priaient quoi? Ils priaient au cimetière. Ou alors, tu viens spécialement dans ce cimetière-là et tu fais du'a. D'accord? Tu viens spécialement et tu fais du'a. Non, dans le cimetière, tu rentres, yahi, ni tu lèves tes mains, ni rien du tout. Salam alaykum ahl al-diyar min al-mu'minin. Nahnu inshallah bikum lahiqoun. Nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Wa tamshi. Hada makan. Tu fais une du'a pour tout, hein? C'est, tu fais une du'a pour tous ces morts-là. Et également le fait de rechercher al-baraka. Mais non, ma'oudhu billah, il y a des gens, ils viennent, ils prennent le sable d'une tombe. Une fois, on était devant le Kaaba. Il arrachait un morceau de tissu du Kaaba. Ah, il dit, c'est quoi? Et je ne fais pas. Là, tu es en train d'aboudre le Kaaba. Tu n'aboudes pas le Rabb le Kaaba. Tu n'adores pas le Seigneur de le Kaaba. C'est comme un jour, il lui a dit quoi? Il lui a dit, il a fait Quraysh. Il a fait rihlat al-shita. Il lui a fait écouter le Coran. Et lui, cette personne-là, dès qu'il arrivait devant la Kaaba, c'était un vrai mouchrik. Qu'Allah nous en protège. Il lui dit, et là il a voulu lui faire un nasiha, ce cheikh-là. Il lui dit, viens. Et il dit, tiens, prends le Coran, lis. Il dit, je vais te lire, écoute-moi. Il a fi Quraysh, il a fi him rihlat al-shita wa al-sayf. Fali ya'budul bayt. Il dit, ah ? Il dit, qu'est-ce que tu dis là ? L'autre, le mouchrik, il dit, qu'est-ce que tu dis là ? Tu dis, fali ya'budul bayt. Il dit, ah, d'accord, je vais recommencer. Fali ya'budul bayt. Après, il recommence. Il dit, fali ya'budul bayt. Il dit, t'es en train de dire fali ya'budul bayt. Elle dit, ah, c'est quoi alors? C'est fali ya'budu rabba hadha al-bayt. Il dit, qu'est-ce que t'es en train de faire toi depuis tout à l'heure? T'es en train d'arracher les tissus. Une fois, j'ai vu même quelqu'un poser un sihr. Fait le Kaaba. Fait maqam Ibrahim, astaghfirullah. Wallah, il y avait du sang dedans. Et les soldats qui étaient là, qui étaient sur place, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ay wahed tatsawwaru fi ad-dunya yji hna. Même le pire des pires, il vient là. Et il fait ces choses-là. Ils font des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que plus il va kfar billah, plus son sihr a des chances de marcher, qu'Allah nous en protège. Hein? Ou alors, ceux qui prennent par exemple un tombeau, etc., etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, la tashuddu rihal ila illa ila ish thalathati masajid. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a permis de voyager que vers trois mosquées. Laquelle? La première? Makkah. La deuxième? Medina. La troisième? Al-Aqsa. Nasallah an yu'idahu lil muslimin. Parce qu'il revient aux musulmans. Taïb, l'autre chose aussi, hein, qui nous prouve la gravité du shirk, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une personne, il a interdit à ce que une personne, on l'honore plus que ce qui n'est permis. On l'honore plus que ce qui n'est permis. Ça prouve quoi? Ça prouve l'interdiction du shirk. Qala alayhi salatu wassalam, man sarrahu an yatamathal lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui aime, regardez, écoutez bien ce hadith. Celui qui aime que les gens, lorsqu'il arrive, hein, et que les gens, il aime bien qu'ils se lèvent pour lui, hein, celui-là qui prépare sa chaise dans l'enfer. Toi, juste, t'aimes ça, que les gens ils se lèvent pour toi? Et une fois, je ne comprenais pas, moi, ce hadith, je n'ai jamais compris. Au début, je disais, mais comment ça, il l'aime quoi? Mais il a dit, ouais, il y a des gens, ils aiment bien qu'on se lève pour eux. Alors, une fois, il y a un shir, il vient nous voir, hein, Hafidhallah, Ora, Sheikh Mohammed, il vient nous voir. Nous, dès qu'on l'a vu arriver, par politesse, on s'est levé. Ah, je l'ai sauvé. Il nous a dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Il ne voulait pas rentrer dans le hadith. Il dit, asseyez-vous, ma fidaï, asseyez-vous, asseyez-vous. Parce qu'il connaissait le hadith. Ah, nous, on était là, on s'est levé, on vous le dit, chir, au moins pour le sallam. Il a dit, non, reste assis. Et ça fait bizarre, t'es assis, il y a un chir qui passe. Tu sais, il va te sallam comme ça. Non, regardez. Chouf, il y a un nahi, il y a un nahi, il y a une interdiction de quoi ? D'honorer une personne plus qu'il ne faut. Qu'Allah nous protège, hein, qu'Allah nous protège de cela. Taïb, pourquoi ? Parce que ça va amener à quoi ? Ça va amener à l'adorer après. Hein, ça va amener à l'adorer. Ensuite, une autre chose aussi qui prouve la gravité du shirk, on a bien fini, inshallah ta'ala, c'est la mise en garde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre ta'at al-makhlouq fi ma'siyat al-khalq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la ta'a al-makhlouq fi ma'siyat al-khalq. Pas d'obéissance aux créatures qui sont des obéissances à quoi ? Au créateur. Pourquoi ? Parce que si toi, tu obéis à un shirk, il te dit, vas-y, bois du vin, ou fais le mal, ou fais quelque chose, et toi tu l'obéis, tu dis, oh, mais c'est mon cher, je l'obéis. C'est pas grave, hein, moi je l'obéis. Et bien là, t'as obéi à qui ? À une créature qui a une désobéissance avec qui ? Créateur, au créateur. Qu'est-ce qui va se passer en vérité ? Après toi, tu vas commencer à exagérer. Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Ittakhadou ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Et ils ont pris leurs prêtres ainsi que leurs moines, hein, comme seigneurs en dehors de qui ? En dehors d'Allah. C'était quoi ici le fait de les prendre, hein, comme seigneur ? C'est qu'ils obéissaient, ils leur obéissaient, même dans quoi ? Même fil ma'siyah. Qu'Allah nous protège. Il y a aussi une autre chose qui te prouve, hein, la gravité du shirk, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de mettre quoi ? De mettre des talismans. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la » Celui qui met une tamima, tamima c'est une espèce de khayt, un fil qu'on attache, hein, par porte-bonheur, en réalité c'est un porte-malheur, elle a, hein, régé le blabla. Taïb, hein, celui qui met, hein, donc un porte-bonheur, entre guillemets, ou un talisman, une amulette, « Fala atamma Allahu la » Yani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua contre lui. Il a dit qu'Allah ne lui facilite jamais ses affaires. Pourquoi ? Parce que lui, il le met par protection. Celui qui le met par protection, il dit, ça va me protéger de tout, en dehors d'Allah. D'accord ? Indépendamment d'Allah. Celui-là, il a fait du shirk comment ? Akbar. Et celui qui le fait, par quoi ? Par juste, il dit, non, c'est juste un sabab, c'est juste une cause. Celui-là, c'est du shirk asghar. Le shirk asghar, il est plus grave que toutes les kabair que tu peux trouver. Zina, quand on dit l'adultère, boire de l'alcool, riba, etc., etc. Ça, c'est grave, ça. Mais est-ce que le shirk asghar, c'est pas parce qu'il s'appelle shirk asghar qu'il n'est pas azim? C'est pas parce qu'il ne s'appelle pas petit shirk qu'il ne fait pas partie des plus grands péchés. Ben, c'est le plus grand des péchés, yani le plus haut degré, dans quoi? Dans les péchés, dans les grands péchés. D'accord? Vous avez compris ça, inshallah ta'ala? Il y a aussi le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit de faire le dhabh, même si c'est pour Allah. A interdit de faire le dhabh dans un endroit ou quoi où on adore autre qu'Allah. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il y a un homme, il a voulu faire un nadr, il a voulu accomplir un vœu, c'est de dhabh, hein, un animal dans cet endroit-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a posé la première question, il a dit « Hal kana fiha wathanun min awthaniha ?» Il a dit, est-ce qu'il y avait une idole ici qui s'adorait ? Après les sahaba, ils ont dit, qalou la. Ils ont dit non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hal kana fiha idun min a'yadihim ? Est-ce qu'il y avait une fête qu'ils faisaient ici dans cet endroit-là ? Ensuite, ils ont dit non, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il leur a dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, awfi bi nadrik. Yani, accomplis ton vœu. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de vœu dans la désobéissance d'Allah. La plus grande désobéissance, c'est quoi ? Vous avez compris, inshallah. Donc regardez, quelqu'un qui veut faire quelqu'un qui veut, hein, même dhabh, tu dois savoir, est-ce que là il y a un Eid, est-ce que là il y a ça, est-ce que là il y a ça, pour ne pas rentrer dans ces hadiths, pour ne pas rentrer dans quoi, dans ces hadiths. L'autre gravité, hein, l'autre chose qui nous prouve la gravité du shirk, c'est ce hadith azim avec Omar ibn Khattab al-Farouq radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab, un jour il est venu à Mecca. Et il a regardé la pierre noire, al-Hajar al-Aswad. Il a dit, inni a'lamu annaka hajar wa annaka la tanfa' wa la tadur. Tu ne fais ni du bien ni du mal. Wa lawla anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk, si je n'avais pas vu, yani t'embrasser sallallahu alayhi wa sallam, ma qabaltuk, et je ne t'aurai jamais embrassé. Regardez le dars. C'est un dars dans l'aqidah. Ça, c'est un vrai cours. Ça, normalement, on dit juste qu'il, s'il a dit Omar, on se lève et on part. Khalas. Hein? Ça, c'est un vrai dars. Il a dit, moi, si je n'avais pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi, je ne fais que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si je n'avais pas vu le faire, je ne l'aurais jamais fait. Et vous savez ce qu'il a fait un jour, Omar? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة استبيعة رضوان يسمون شجرة. الله ذكر هذه الشجرة. صح. الله لا بالي ذي الشجرة. يعني تو كيس تو فيها. إسكو تو تي سري كاب دفنير تقول والله هذه الشجرة. جو لا كوبي. alors que الله لا بالي ذي cette شجرة. إسكو تو تي كاب entre guillemets. non. tu pas كاب. Pourquoi? Parce que tu dis, Allah, quand même, il a parlé de cette chazara. Attention. Allah, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a juste voulu dire qu'il s'est passé ça dans cet endroit-là. Mais il n'a pas voulu, Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu grandifier cette chazara. Alors, Omar ibn al-Khattab, lui, en tout cas, lui, il était sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, galla'a. Il l'a déraciné direct. Il a coupé cette chazara. Pas de ça ici. Pas de shirk. Regardez les sahaba, comment ils étaient rudes. Regardez avec taswiyat al-qubur. هذا يقطع شجرة وهذا يعطيك درس مع حجر الأسود. Aujourd'hui quand on vient on parle on dit يا أخي هذا الشرك هذا بدع هذا كذا هذا كذا. Tu viens tu nous تقم علينا القيامة. Tu viens tu nous fais hein comme si on allait avoir des comptes يوم القيامة يعني des tu nous fais vivre des choses des malheurs. والله des fois je leur parle, il y a des gens tu leur parles, tu dis هذا الشرك. Ils montent ils redescendent. Une fois il y en a un. Il est en Libas, Ihram. Il avait un talisman. Mais mon frère, tu vas à Abdallah. Qu'est-ce que tu fais avec un talisman? Moi, je l'ai vu de mes yeux. Un gros truc comme ça, attaché, mais bien attaché en plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Avec un gros coquillage qui sort. Le coquillage, il va faire quoi? Mala yanfa'u kada. Hada khalq. Hada law kana yanfa'a nafsa, la dafa'a an nafsi. S'il se faisait du bien, il se serait défendu. C'est qu'une créature. Subhanallah al-Azim. Donc, mes frères, sachez cela. Et il y a dernièrement, inshallah ta'ala, ce grand dars avec Omar ibn al-Khattab. Encore une fois, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, un jour il a salli, il a fait la prière avec ses compagnons et il a lu dans la première surah, dans la première raka'a, il a lu Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil, et dans la deuxième il dit Lafi Quraysh. Ensuite il a fini la prière. Et ils étaient venus donc dans une mosquée, hein, dans une mosquée où le prophète alayhi salatu wassalam était passé par là. Et alors, il est parti, Omar radiallahu anhu, il est parti, et ensuite il a entendu du bruit. Il est revenu, il voyait que les compagnons se poussaient. Et ensuite le prophète, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, quand il a vu ça, hein, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mahada. Et eux, ils ont répondu, qalou, masjidun, salla fihi rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, c'est une mosquée dans laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié. Il a dit, hakadha halaka ahlul kitab, ittakhadhu athar anbiya'ihim bi'a. C'est comme ça que les gens du livre ont péri. C'est en recherchant les traces d'un prophète, hein, et qu'ils ont fait de ces traces-là, ils en ont fait une mosquée dans cet endroit-là. C'est comme ça qu'ils ont été halakou man kana qablakum. Après, ensuite, il dit quoi, Omar ibn Khattab, man uridat lahu minkum salatun fihi falyusalli, wa man lam tu'rad lahu minkum fihi as-salatu fala yusalli. Ensuite, il dit, celui quiconque, où la prière est arrivée à son temps, qu'il passe la prière dans l'endroit où il est et qu'il ne cherche pas à faire la prière dans cet endroit-là pour ne lui donner une particularité qu'il aurait une spécificité en supplémentaire qu'une autre mosquée. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, mes frères, al-shirk, c'est le pire des péchés ou là, c'est pas le pire des péchés? Taïb. C'est quoi le ta'rif du shirk? Taswiyatu. Ghayrillahi billahi fima huwa min khasaisillah. D'accord. On a dit comment tu reconnais un amal qui est un shirk, shirk akbar. Hein? On a dit avec deux choses. Hein? C'est quoi ces deux choses? C'est comme une gomme qui vient qui efface tout. Si c'est une adoration, d'abord tu regardes s'il a fait une adoration. Et l'autre chose, c'est quoi? Qu'on est sûr que cette adoration l'a donnée à autre qu'Allah Jalla wa'ala. Il y a trois dernières, il y a trois choses qu'il faut savoir, c'est comment tu haqqaq le tawhid, comment tu authentifies le tawhid avec trois choses. Les ulamas, ils ont dit, la première des choses, c'est quoi? C'est de bien connaître le shirk pour ne pas rentrer dedans. Vous avez compris? Et ça, il y a des livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cela, alhamdulillah. Ensuite, il y a le fait de connaître aussi la bid'a. La bid'a, pourquoi? Parce qu'en vérité, tu ne suis pas le dîn du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a prié, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni, usalli. Wal bid'a tunafi kamal al-wajib. Tunafi kamal al-tawhid al-wajib. » Al bid'a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève la perfection dans quoi? La perfection dans l'obligation de ce tawhid là. Elle enlève sa perfection. Vous avez compris? Quelqu'un qui est muwahhid, c'est quelqu'un qui suit Allah subhanahu wa ta'ala et ses ordres, et qui suit aussi qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui n'oublie pas une créature dans la désobéissance de qui? Du créateur. Et le ma'asiya également. Al ma'asiya, quand on parle de ma'asiya, c'est lesquels? Al kaba'ir. Quand on parle de ma'asiya, quand on parle des désobéissances, c'est les kaba'ir. Alors le fait que ça aussi également, tu t'en éloignes, et ben sache que tu fais partie des muwahhidin également. On parle des kaba'ir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés qu'on vous a interdits, hein, certes on vous pardonnera vos sayyi'at, c'est-à-dire vos péchés. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, quand on parle des ma'asiya ici, on parle que des kaba'ir, hein, on parle que des kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés. Barakallahu fikum. Le premier et le deuxième, on a dit quoi? On a dit d'abord de connaître le shirk. D'accord? De connaître le shirk. Naam. Car ça, le shirk, il va en contradiction avec quoi? Avec le tawhid. Le deuxième, on a dit quoi? Al-bid'a. Parce qu'il faut, donc, il faut que tu connaisses quoi? La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose que tu fais attention, c'est quoi? C'est al-ma'asiyah. Naam. Al-ma'asiyah. Et il y a trois choses aussi qui te font connaître, ou plutôt qui te font authentifier le tawhid. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith que vous connaissez tous. Il y en a 70 000 qui vont entrer où ça? Au paradis. Bighayri hisab wal adab, sans compte, sans châtiment. Quels sont ces 70 000 là? Khadan nas. Ils ont commencé à se poser la question, mais c'est qui ces gens là? C'est qui ces gens là? Les sahaba, ils se sont posé la question. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, il leur a dit, faqala lahum alayhi salatu wassalam, humu alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Regardez, alors la première des choses, c'est qu'il ne demande pas la ruqya. Tu ne demandes pas la ruqya, tu demandes shifa min indillah, tu te fais ruqya tout seul. Ça, tu fais partie des gens, tu as la première sifa, la première caractéristique. De quoi? De la personne qui va rentrer au paradis sans hisab ou la adab. Regarde, tahqiq al-tawhid. C'est avec quoi? Avec le fait d'authentifier le tawhid. La deuxième des sifas, c'est quoi? La yatatayyaroun. Ils n'ont pas de superstition, de mauvais augure. D'accord? Il dit pas, ça j'ai vu ça, ça va me porter là. Ah, la poisse. Ou là, j'ai vu ça, j'ai vu un chat noir. Ou là, j'ai vu ça. Là, yakhi. Tout ça, c'est des superstitions. La tatayyur. Ensuite, wa la yaktawoun. Ils ne font pas le kay. Pourquoi ils ne font pas le kay? Le kay, c'est quoi? C'est la cautérisation. Le kay, c'est par exemple, tu vois, tu as une blessure et on vient, on te frappe avec quoi? Avec une barre, yani chauffée. D'accord? Et elle va t'enlever quoi? Bismillah, elle va t'enlever cette douleur-là. Et beaucoup de gens font le kay. Les Arabes, avant, ils utilisaient cette médecine-là parce qu'ils avaient une aqida dessus. Ils avaient une croyance dessus. Et ils disaient que c'était du direct. Et ça te prouve quoi, Yahri? Ça te prouve qu'il ne faut pas avoir confiance ou un sentiment de grandeur vis-à-vis du médecin ou vis-à-vis de quoi? Ou vis-à-vis du médicament que tu vas utiliser. Si tu as un sentiment de grandeur par rapport à cela, tu es rentré dans le shirk. Vous avez bien compris? Le shirk, moi aussi. Ah, c'est pas une affaire facile. Juste tu dis, wallah, ce médicament, c'est bon, il va me guérir. Ça y est, tu as eu là un sentiment de grandeur. Là, tu as donné une part à qui? Au médicament, t'as oublié qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Le sentiment de grandeur. Ou là, t'as dit, lui, il va m'arranger cette histoire. Ah, moi, j'ai du piston, t'inquiète pas, lui, il va me l'arranger cette histoire. Là, là, t'as donné quoi? T'as eu un sentiment de grandeur envers qui? Envers cette personne-là, ça, c'est dit quoi? Ta'alluq bi ghayrillah, c'est le fait de s'accrocher avec qui? Avec autre qu'Allah. Et le fait de s'accrocher avec autre qu'Allah, c'est quoi? Shirk. Et c'est du petit shirk, ça. Et plus il est grand, et plus il est grand. Et plus tu rentres dans le shirk, akbar, na'oudou billah. Jusqu'à ce que tu penses que cette chose-là, elle est indépendante de qui? Indispensable, hein? Hein? Et indépendante d'Allah, jalla wa'ala. Vous avez bien compris ça, mes frères? La yaktawoun wa ala rabbihim yatawakkaloun. Et ils remettent toute leur confiance à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa tawhid. Hada huwa at-tawhid. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli at-tawhid wa an yuwaffiqana li ta'atihi wa li ittiba'i sunnatihi li ittiba'i sunnati an-nabi sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا ووالدينا وأن يوفق الجميع لكل خير. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى سيكون لك حسن في المحاضرة.